Chapitre 15e. Harmonie tournait et retournait sans cesse dans sa suite jusqu'à ce que Vilona la fît asseoir. « Du calme. Vous avez besoin juste d'un peu de calme, sinon vous serez malade avant d'être mariée. » Elle roulait les airs et c'était charmant, mais restait cependant ferme et calme, tout ce qu'il fallait à Harmonie. « Mais je ne me souviens plus où j'ai bien pu mettre mon collier de soie avec la rose. » J'espérais que la vendeuse l'ait posé dans la même boîte que le voile. Je n'ai rien d'autre qui va avec cette somptueuse robe. Oh, pourquoi n'ai-je pas contrôlé avant? Je ne pense pas que cela soit aussi grave. Votre futur mari et tous les invités n'auront Dieu que pour la mariée, pas sur un simple collier. Allons, il faut enfiler cette robe de rêve. Le temps passe, et nous devons être à l'heure. Combien de temps reste-t-il? Environ 18 minutes. Il est temps. Attention au maquillage. Harmonie, avec son aide précieuse, se faufila dans la superbe robe. Vilona lui ajusta ensuite son voile. Oh, vous êtes. Quoi? Demanda Harmonie, déjà paniquée à l'idée que quelque chose n'allait pas. Sublime. Vous n'oubliez pas un petit détail? Quoi? Quel détail? Vos chaussures. Oh, bon sang, mais où donc ai-je la tête? Pas dans vos chaussures, c'est certain. Mais vous épousez un très bel homme, et il est normal que vous soyez un peu nerveuse. Son accent slave était décidément charmant, et Harmonie ne put s'empêcher de le lui dire. Vous savez qui vient vous chercher? Oh, je ne le sais que trop bien. Le commandant en personne. Monsieur Maurizio, je ne me souviens plus, c'est important. Vilona, souriant, lui répondit. Je ne crois pas, non, mais je vous le dis quand même. Maurizio Calana. Il va seulement vous emmener jusqu'à votre futur époux. Vous n'aurez pas vraiment le temps de faire la causette. Elle était tout juste prête, ayant vaporisé quelques gouttes de son parfum favori, que déjà l'on frappait à sa porte. Regardant sa montre, elle soupira. Plus à l'heure que cela? Harmonie ne savait pas où elle devait aller. Elle avait promis à Jérémy de fermer les yeux et de ne surtout pas les rouvrir avant que le commandant lui en donnât l'ordre. Elle n'avait pas trop apprécié la nouvelle, mais par amour pour lui, elle se serait jetée au feu. Le commandant la guida doucement. Elle sentit qu'il descendait la passerelle, et elle mit un pied sur la terre ferme. C'était cela de prix. Elle n'entendait que le bruit des quelques touristes se trouvant sur le port et qui applaudissaient à son passage. Ils marchèrent ainsi quelques minutes, puis le commandant la fit passer devant lui. Une petite marche et des portes se refermèrent. Harmonie souffla. Mais soudain, elle parut s'envoler, comme dans un ascenseur. Elle raffermit sa prise sur le bras du commandant qui rit doucement. « N'ayez pas peur, chère madame, cela ne durera que quelques minutes, tout va bien. » La voix basse et réconfortante la calma aussitôt. « Bon sang, qu'a-t-il encore imaginé? Je vais lui frotter les oreilles dès ce soir. Enfin non, pas ce soir. » L'ascenseur s'arrêta sans une secousse. Il devait être bien haut. Ils ressortirent et l'homme la guidait encore pendant une vingtaine de pas. Enfin, ils s'arrêtèrent et il lui fit comprendre qu'elle pouvait ouvrir les yeux. Harmonie fut tout d'abord éblouie. Puis peu à peu, elle distingua autour d'elle des fleurs, des arbres, des marches, puis un sentier qu'il devait encore emprunter. D'un seul coup, elle comprit où elle se trouvait. Des larmes de joie lui vinrent aux yeux et elle se fit gronder par Maurizio Calana. « Ah non, jeune dame, vous n'allez pas gâcher avec des larmes ce si beau mariage. Allons, il est temps. Il ne faut pas faire attendre davantage le marié. » Au moment où ils commençaient à suivre le petit sentier en pente, ils entendirent un orchestre jouer la marche nuptiale. Puis le sentier s'élargit, et de chaque côté l'équipage au grand complet forma une haie d'honneur jusqu'à la folie immaculée. De là où elle se trouvait, elle pouvait admirer le décor et le pupitre où un officiel devait les marier. Puis, plus elle avançait et plus elle était étonnée. L'officiel ressemblait tellement à Jérémy que c'en était troublant. Enfin, le commandant la plaça aux côtés de son futur mari. « Avant de commencer, je dois me présenter, fit l'homme. Je m'appelle Jason Emerson, frère jumeau de Jérémy et ambassadeur du Québec à Rome. Par une dérogation spéciale, je suis habilité à vous marier. Soit dit entre nous, Harmonie, je suis enchanté de vous connaître. » Les deux frères se sourirent et se firent un clin d'œil complice. De cela également il me rendra compte, soupira Harmonie, stupéfaite par tant de ressemblances. La cérémonie commença. Harmonie vivait un rêve éveillé. Elle s'entendit prononcer ses vœux comme dans un brouillard. Jérémie passa une alliance à son doigt, elle fit de même et entendit à ce moment-là. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Jérémie n'avait pas attendu la fin de la phrase pour la prendre dans ses bras et l'embrasser passionnément. Elle n'entendit rien d'autre que leurs deux cœurs qui battaient à l'unisson. Les membres d'équipage vinrent les féliciter, puis redescendirent doucement jusqu'au navire. Le commandant lui-même leur exprima sa joie et leur donna rendez-vous sur le bateau pour parfaire leurs vœux dans la soirée. Jason, quant à lui, vint l'embrasser et congratuler son frère. Ils se retrouveraient sur le navire un peu plus tard. Harmonie était sur un nuage. Jérémie l'emmena jusqu'au belvédère, où ils purent regarder le magnifique panorama dont elle avait tant rêvé toute sa vie. Un photographe immortalisait leur histoire. Elle se tourna vers lui. « Tu es incroyable. Je ne sais plus quoi dire tellement tu m'as rendue heureuse. Ce mariage de rêve sera à jamais inoubliable, et si dans quelques années je devais... » Il lui coupa vivement la parole. « C'est hors de question que je te laisse partir un jour sans moi, tu entends ? Jamais. Je t'aime trop, j'en mourrai. » Il l'embrassa encore une fois en l'étreignant si fort qu'elle en gémit. Sur une table était disposé un seau dans lequel refroidissait une bouteille de champagne. Sur un plateau d'argent, deux couples les attendaient pour sceller leur union. Ils trinquèrent à leur bonheur futur. Le soir les retrouva sur le navire, dans la salle du Lotus d'or. Décorée avec magnificence, cette dernière accueillait quelques invités du bateau triés sur le volet, ainsi que la plupart des membres d'équipage. Le docteur Villona s'approcha d'eux. « Sublime cérémonie ce midi et ce soir les vœux du commandant. Cette journée aura été parfaite. Cependant, j'ai un peu de mal à comprendre comment vous n'êtes pas fatigué, voire épuisé. » Harmonie allait répondre lorsque Jérémy fit diversion. Il prit la doctoresse par le bras et l'éloignant lui expliqua brièvement. Cette dernière, les yeux arrondis par la surprise, eut le souffle coupé. Jérémy la supplia de ne rien dévoiler. Il lui promit de la tenir au courant de l'avancée de ses recherches. Bien entendu, sans qu'un certain organisme d'État le sache. Il savait que la doctoresse faisait de nombreuses recherches depuis des années. Malgré son air juvénile, elle n'avait pas loin de 46 ans et 3 enfants. Elle fut sidérée et accepta avec grand plaisir sa proposition. « Je serai muette comme une tombe, mais n'hésitez surtout pas à m'appeler. Mon aide vous est acquise d'avance. » Jérémy la salua gravement et s'empressa de rejoindre sa femme qui papotait gaiement avec son frère. « Ah, te voilà enfin !» fit ce dernier. « J'allais m'avancer vers l'estrade puisque tu abandonnes déjà ta bien-aimée. » « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur. Nous réglerons cela plus tard. » Jason éclata de rire et fit un clin d'œil malicieux à la jeune femme en s'éloignant. Le commandant commença son discours. Tout d'abord, bienvenue à tous à bord du Mermaid of the Sea. Ce sera la seconde fois que je marie sur ce beau navire. C'est un grand honneur, madame, monsieur, d'officier pour vous. Voulez-vous vous prendre par la main, je vous prie? Voilà, en tant que seul maître à bord après Dieu sur ce navire, je vous déclare mari et femme. Cette petite cérémonie devait être l'apogée de ce mariage de rêve et le commencement des agapes de la fête. Lorsque quelques heures plus tard ils eurent terminé le repas, la pièce montée fit une entrée spectaculaire, parée de bougies colorées sous les vivats des invités. Harmonie encore une fois y alla de sa larme. Ils coupèrent ce gâteau délicieux et en firent manger à chacun d'eux une bouchée. Le chef Charles vint lui aussi féliciter les mariés et se fit fortement applaudir pour son immense talent. Puis l'orchestre commença à accorder ses instruments sur l'estrade. Jérémy offrit sa main à Harmonie. Lorsqu'ils eurent pris place au milieu de la salle, les musiciens attaquèrent une chaînette mélodie. Jérémy enlaça tendrement sa femme et murmura à son oreille. « Je t'aime, mon âme. Tu es et tu seras le soleil qui éclairera ma vie à tout jamais. Je t'aime, mon amour. Tu es l'unique homme que j'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. » Après un baiser brûlant et une dernière danse, ils s'éclipsèrent pour enfin consommer leur amour. Jérémy baissa la lumière et enleva sa veste qu'il posa sur le dossier d'une chaise. Harmonie, si belle, l'impressionnait à présent. Il se sentait fébrile. À l'âge que j'ai, se dit-il, c'est puéril. La jeune femme, quant à elle, avait décroché son voile. Dieu que je l'aime, se répétait Jérémy. Il s'avança vers elle et l'enlaça tendrement. Puis sa bouche s'aventura dans son cou et le parfum de sa femme l'enivra. Il l'enlaça un peu plus fort contre lui quand il la sentit se raidir. Aussitôt, il s'arrêta. Je t'ai fait mal, mon âme. Non, non, mais vois-tu, cela fait des années que je n'ai pas. Enfin, j'ai compris. Nous allons prendre tout notre temps. Et si ce soir tu ne te sens pas à l'aise, alors nous verrons demain ou après-demain, quand tu me connaîtras un peu mieux. Je sais que j'ai été plus que rapide. Je n'espérais d'ailleurs pas que tu acceptes si vite de te marier, et ta réponse inattendue m'a rendu si heureux. Je ne sais même plus ce que je te raconte, fit-il réellement troublé. Elle se serra tendrement contre son mari. Non, nous n'attendrons pas, mon amour. Sois juste un peu patient, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Avant tout, j'ai un cadeau pour toi. Elle se sépara de lui et prit l'écrin de la bijouterie qu'elle avait posé sur la table. Ron l'ayant oublié, elle avait décidé de le lui donner elle-même. Elle le lui tendit et comme il l'ouvrait, elle lui expliqua. Tu vois ce petit diamant au centre, c'est toi. Tu es le centre de mon monde désormais. Il fut ému, se rappela que lui aussi avait un cadeau à lui faire. Prenant la boîte dans la poche de sa veste, il lui demanda de fermer les yeux. Il se plaça derrière elle et elle sentit une douce fraîcheur autour de son cou. La menant devant le miroir, il lui demanda d'ouvrir les yeux. Un petit diamant scintillait à son cou. Tu es la plus belle des pierres précieuses, mon amour. Il l'embrassa, mais elle s'éloigna encore une fois. Je veux aussi que tu me donnes des explications. Tu me fais me marier dans une île de rêve, mais tu ne me révèles qu'au dernier moment que tu as un jumeau et que c'est ce même jumeau qui va officier. Je te promets que je répondrai à toutes tes questions, mais pas maintenant, s'il te plaît, darling. Elle se dirigea vers lui et lui prenant les mains, entreprit de déboutonner les poignets de sa chemise. Jérémy comprit qu'il ne devait pas bouger. Il la laissa faire ce qu'elle voulait à son propre rythme. Il enleva ses chaussures et sa montre. La jeune femme commença à déposer quelques baisers sur son torse et à le caresser. Il avait bien du mal à présent à se contrôler et finit par laisser échapper un gémissement de désir. Il l'embrassa de nouveau, mais plus profondément, plus suavement, et ses mains prirent également le chemin de son corps. Il descendit la fermeture éclair de sa robe et enleva délicatement les bretelles tout en parsemant sa peau de petits baisers brûlants. La robe tomba à terre et elle fut devant lui dans une magnifique guêpière blanche. Jérémy entreprit fébrilement d'enlever les minuscules crochets. Lorsqu'elle fut nue, elle mit ses mains sur sa poitrine. Elle ne voulait pas qu'il la regarde. Sa cicatrice sur le sein gauche était pour elle une pure horreur. Elle n'arrivait pas à accepter cette mutilation. Sans un mot, simplement en la regardant, Jérémy lui enleva les mains. Une larme coula sur la joue d'Harmonie. Alors l'homme aimant qu'il était, baisa tendrement l'endroit exact où se situait cette cicatrice. Je t'aime, Harmonie, et je me moque éperdument de ce petit sillon qui a permis d'enlever cette vilaine tumeur. Il n'y a que toi, je ne vois que toi, je n'aime que toi, pour l'éternité. Harmonie se laissa bercer par cette voix si tendre et en même temps si chaude. Elle recommença ses caresses et en osa d'autres jusqu'à ce qu'il roule sur le lit. Jérémy se fit tendre, mais devant l'insistance de sa femme, finit par perdre tout contrôle sur lui-même. Quelque temps plus tard, un cri unique de plaisir résonna dans la nuit.